Lettre à mon juge, de Georges Simenon. France Culture et la Comédie Française présentent Lettre à mon juge, de Georges Simenon. Adaptation, Pierre Assouline. Premier épisode. À Monsieur Ernest Comelio, juge d'instruction, 23 bis rue de Seine, Paris 6e. Mon juge, je voudrais qu'un homme, un seul, me comprenne. Et j'aimerais que cet homme soit vous. Nous avons passé de longues heures ensemble pendant les semaines de l'instruction. Mais alors il était trop tôt. Vous étiez un juge, vous étiez mon juge et j'aurais eu l'air de me justifier. Vous savez à présent que ce n'est pas de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ? Nous ne nous reverrons sans doute jamais plus. D'autres clients sont amenés devant vous chaque jour par les gendarmes, d'autres témoins plus ou moins intelligents ou passionnés. Malgré ma satisfaction que tout soit fini, je les envie, je l'avoue, parce qu'ils ont encore des chances de s'expliquer, tandis que moi, je ne puis désormais compter que sur cette lettre que vous classerez peut-être à la rubrique bêtisier sans l'avoir lue. Ce serait dommage, mon juge. Je vous le dis sans vanité. Non seulement ce serait dommage pour moi, mais dommage pour vous. Parce que je vais vous révéler une chose que vous soupçonnez, une chose que vous ne voulez pas admettre et qui vous tourmente en secret, une chose que je sais vraie. Moi qui ai plus d'expérience que vous depuis que je suis passé de l'autre côté, vous avez peur. Vous avez peur précisément de ce qui m'est arrivé. Vous avez peur de vous, d'un certain vertige qui pourrait vous saisir, peur d'un dégoût que vous sentez mûrir en vous à la façon lente et inexorable d'une maladie. Nous sommes presque les mêmes hommes, mon juge. Alors pourquoi, puisque j'ai eu le courage d'aller jusqu'au bout, ne pas avoir celui de me comprendre en même temps? Je me souviens fort bien de votre arrivée au prétoire. J'étais tout seul entre mes deux gardes. Vous êtes entré, votre serviette sous le bras, votre chapeau à la main, vous vous êtes faufilé avec l'air de vous excuser parmi les stagiaires qui encombraient l'entrée. Je ne vous avais jamais vu que derrière votre bureau. Vous m'avez fait penser au chirurgien qui arrive en coup devant à l'hôpital où l'attendent ses élèves et ses aides. Vous n'avez pas regardé tout de suite de mon côté. Et moi, pourtant, j'avais une folle envie de vous dire bonjour, d'avoir avec vous un contact humain. Est-ce si ridicule ? Est-ce encore du cynisme, pour employer le mot dont on s'est beaucoup servi à mon sujet ? Il y avait 5 semaines que nous ne nous étions vus. Pendant les 2 mois de l'instruction, nous avions eu des entretiens presque quotidiens. Savez-vous que même l'attente dans le couloir devant votre bureau m'était un plaisir ? Et qu'il m'arrive encore d'y penser avec nostalgie. Je revois les portes sombres des juges, alignées comme dans un monastère, la vôtre, les bancs entre les portes, le plancher sans couleur se perdant dans une perspective lointaine. J'étais entre mes 2 gendarmes, et sur le même banc, sur d'autres bancs, se tenaient des hommes libres, des témoins mâles et femelles, parfois aussi des gens aux poignets chargés de menottes. On se regardait les uns les autres. C'est cela, c'est tout cela qu'il faudra que je vous explique. Mais je me rends compte que c'est une tâche presque impossible. Ce serait tellement plus facile si vous aviez tué, vous aussi. Nous avons vécu près de 6 semaines ensemble, si je puis ainsi m'exprimer. Je représentais, comme pour nous certains malades, le cas intéressant. Vous cherchiez à comprendre, je m'en suis aperçu. Non seulement avec toute votre honnêteté professionnelle, mais en tant qu'homme. Un détail entre autres. Nos entretiens ne se passaient pas en tête à tête, puisque votre greffier et un de mes avocats, presque toujours Maître Gabriel, y assistaient. Or, en dépit des efforts de Maître Gabriel pour prendre en tout et partout la première place, il y avait souvent des moments où j'avais l'impression que nous étions seuls, où, comme d'un commun accord, nous avions décidé que les 2 autres ne comptaient pas. Nous n'avions pas besoin de clin d'œil pour cela. Il suffisait de les oublier. Et lors des coups de téléphone, pardonnez-moi de vous en parler, cela ne me regarde pas. Mais ne vous êtes-vous pas informé, vous, des détails les plus intimes de ma vie, et comment voulez-vous que je n'ai pas été tenté de faire la même chose? Vous avez reçu, 5 ou 6 fois, presque toujours à la même heure, vers la fin de l'interrogatoire, des appels qui vous troublaient. Non. Pas avant 1 heure. C'est impossible. Oui. Non, non, pas en ce moment. Une fois, vous avez lâché par inadvertance. Non, mon petit. Et vous avez rougi, mon juge. Oui, c'est ça. C'est moi que vous avez regardé comme si moi seul comptais. Aux deux autres, vous adressiez de banales excuses. Excusez-moi de cette interruption, maître. Où en étions-nous ? Je vous en prie. Il y a tant de choses que j'ai comprises, que vous savez que j'ai comprises. Parce que, voyez-vous, j'ai un immense avantage sur vous. Quoi que vous fassiez, moi, j'ai tué. Je me suis bien renseigné. Je sais qu'un jour que vous parliez de moi entre magistrats, vous avez indiqué... En mon âme et conscience, je crois fermement qu'à l'avoine, quoi qu'il prétende, quoi qu'il pense peut-être, a agi dans un moment de responsabilité atténuée et que son geste n'était pas prémédité. Mon juge, j'en ai eu de la peine. Écoutez-moi bien. J'ai agi avec préméditation, en pleine connaissance de cause. Entendez-vous, mon juge ? Avec préméditation. Tant que quelqu'un n'aura pas admis ça, je serai seul au monde. Je revois, en vous écrivant, les 3 lampes à abat-jour vert sur le banc des juges, une autre sur celui de l'avocat général, tandis que vous veniez de jeter un coup d'œil à l'audience. Est-ce que vous avez l'habitude d'assister ainsi, en spectateur, au procès dont vous avez conduit l'instruction ? J'en doute. Le couloir devant votre porte ne désemplit pas. Or, vous êtes revenu 2 fois. Vous étiez là quand on a donné lecture du verdict, et c'est peut-être à cause de vous que je ne me suis pas emporté. Qu'est-ce que je vous disais ? Si mon client avait été plus sage, c'est l'acquittement que j'emportais. S'exclamait Maître Gabriel, tout fier, au confrère venu le congratuler. Un vieil avocat à la robe roussie s'est permis de riposter. Doucement, cher confrère. Avec un revolver, oui. Avec un couteau à la rigueur. Avec les mains, jamais. Un acquittement dans ces conditions ne s'est pas vu une seule fois. Avec les mains, est-ce que ce n'est pas magnifique ? Est-ce que cela ne suffirait pas à vous donner envie de passer de ce côté-ci ? Ma mère est venue à la barre, car ils l'ont cité comme témoin. Si incroyable que cela paraisse, j'ignore encore si c'est l'accusation ou la défense qui a fait ça. Dès que le président a prononcé son nom, il s'est produit un remous dans la salle. Les gens des derniers rangs, les spectateurs debout, se sont dressés sur la pointe des pieds et, de ma place, je les voyais tendre le cou. Pauvre maman, elle était en noir. Telle que je la connais, elle a dû s'inquiéter de sa toilette et demander conseil à ma femme. Je parierais qu'elle a répété 20 fois, j'ai si peur de lui faire tort. C'est ma femme, sans aucun doute, qui lui a conseillé ce mince col de dentelle blanche afin de faire moins d'œil, afin de ne pas avoir l'air de vouloir apitoyer les jurés. Elle ne pleurait pas en entrant. Vous l'avez vu, puisque vous étiez au 4e rang, non loin de l'entrée des témoins. La cour s'excuse, madame, de vous imposer cette épreuve et vous prie instamment de faire un effort pour conserver votre sang-froid. Elle ne regardait pas de mon côté. Elle ne savait pas où j'étais. Elle avait honte. Non pas honte à cause de moi, comme les journalistes l'ont écrit, mais honte d'être le point de mire de toute une foule et de déranger, elle qui s'est toujours sentie si peu de choses, des personnages aussi importants. Car dans son esprit, voyez-vous, et je connais bien ma mère, c'était elle qui les dérangeait. Elle n'osait pas pleurer, elle n'osait rien regarder. Je ne sais même pas quelles sont les premières questions qu'on lui a posées. Est-ce que votre fils, dans son enfance, n'a pas eu une méningite ? Oui, monsieur le juge. Il a été bien malade et j'ai cru le perdre. Avez-vous pas remarqué qu'à la suite de cette maladie, le caractère de votre fils avait changé ? Non, monsieur le juge. Répondez à messieurs les jurés, il n'est pas devenu plus violent ? Il a toujours été doux comme un agneau, monsieur le juge. Monsieur le président. Monsieur le président, il était juste comme un gros chien que nous avons eu et qui... Lors du premier mariage de l'accusé, vous avez vécu avec le jeune ménage, n'est-ce pas ? Naturellement, monsieur le président. Tournez-vous vers messieurs les jurés qui vous entendent mal. Naturellement, messieurs les jurés. Le couple était-il heureux ? Pourquoi ne l'aurait-il pas été ? Vous avez continué à vivre avec votre fils quand il s'est remarié et vous habitez maintenant encore avec sa seconde femme. Il serait intéressant que messieurs les jurés sachent si les rapports entre l'accusé et celle-ci étaient les mêmes que ceux qu'il entretenait avec sa première épouse. Les lâches. Elle pleurait maintenant. Pas à cause de moi. Pas à cause de mon crime. Mais pour des raisons qui ne les regardaient pas. Ils se croyaient malins pourtant. À les observer, tout regard braqué sur une vieille femme en larmes. On aurait pu croire qu'ils allaient lui arracher la clé du mystère. C'est pourtant simple, mon juge. Avec ma première femme, qui n'était pas une excellente ménagère, qui était ce qu'on appelle chez nous une pâte molle, ma mère restait la vraie maîtresse de maison. Avec Armande, les choses ont changé, voilà tout, parce qu'Armande a une personnalité plus marquée et des goûts bien à elle. Quand on retire soudain ses occupations à une femme de 60 ans, qu'on l'empêche de commander aux domestiques, de s'inquiéter de la cuisine et des enfants, c'est extrêmement douloureux. C'est tout. Voilà pourquoi ma mère pleurait. Parce qu'elle n'était plus qu'une étrangère dans la maison de sa bru. J'aime mieux parler tout de suite de Jeanne, ma première femme. Un jour, à Nantes, alors que j'avais 25 ans, des personnages solennels m'ont remis mon diplôme de docteur en médecine. Nous avons passé une nuit assez crapuleuse, entre étudiants, pendant que ma mère, qui avait assisté à la cérémonie, m'attendait dans sa chambre d'hôtel. Le lendemain matin, sans avoir dormi, je suis reparti avec elle vers un petit bourg à une vingtaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon. Je crois que ce jour-là, ma mère était pleinement heureuse. Elle était assise, toute petite, mince, à côté de son grand-fils. Peut-être étais-je heureux aussi, mon juge. Je n'en sais rien. J'étais plein de bonne volonté. Je voulais faire plaisir à tout le monde et à ma mère avant tout. Le lendemain soir, j'entrais en quelque sorte en fonction à Ormois, où ma mère avait racheté le cabinet d'un vieux docteur à moitié aveugle qui se décidait enfin à se reposer. Le vieux docteur Marchandeau, qui était veuf, avait marié une de ses deux filles à un pharmacien de La Roche et vivait avec la seconde, Jeanne, qui avait alors 22 ans. Je voulais bien faire. Je ne sais même pas si elle était jolie. Mais je savais qu'un homme, à un certain âge, doit se marier. Pourquoi pas Jeanne ? Elle me souriait timidement à chacune de mes visites. C'était elle qui nous servait le verre de vin blanc de tradition chez nous. Elle prenait un air discret, effacé. Toute sa personne était ainsi effacée. À tel point qu'après 16 ans, j'ai de la peine à la revoir en esprit. Ma mère nous a mariés. Jeanne a été tout de suite enceinte. Nous avons eu une fille et ma femme est restée au moins 3 mois malade à la suite de ses couches. Excusez-moi, mon juge, si je parle d'elle avec ce qui pourrait passer pour de la désinvolture. La vérité, voyez-vous, c'est que je ne la connaissais pas, que je ne l'ai jamais connue. Nous avons dormi dans le même lit pendant 4 ans. J'étais toute la journée sur ma grosse moto à faire mes visites, à pêcher. Je la trompais à peine. Elle faisait partie du décor de ma vie. Elle faisait partie des conventions. J'étais médecin, j'avais un cabinet, une maison claire et gaie. J'avais épousé une jeune fille douce et comme il faut. Elle venait de me donner un enfant et je la soignais du mieux que je pouvais. De loin, cela me paraît terrible. Parce que je n'ai jamais essayé de savoir ce qu'elle pensait. De savoir qui elle était réellement. Nous avons passé nos soirées ensemble, avec maman entre nous deux, parfois le docteur Marchandeau. Puis nous montions. Je lui disais, l'air de plaisanter, « On fait le fils, hein ?» Elle souriait timidement. Elle était très timide. Elle a été enceinte à nouveau. Tout le monde s'est réjoui et m'a annoncé le garçon de 12 livres tant attendu. Moi, je lui donnais des fortifiants, je lui faisais des piqûres. Quand il a fallu avoir recours au forceps, on m'a appelé. La sueur qui me coulait sur les paupières m'empêchait presque de voir. J'ai eu l'enfant, en effet. Une énorme fille à qui il ne manquait que quelques grammes pour faire les 12 livres. Mais la mère mourait 2 heures plus tard, sans un regard de reproche, en balbutiant « C'est bête que je ne sois pas plus forte ». Pendant les dernières couches de ma femme, j'ai eu des relations avec Laurette. Si on compte au moins un ivrogne par village, un homme qui boit par famille, existe-t-il un bourg de chez nous sans une fille comme la Laurette? C'était une brave fille d'une franchise étonnante, que beaucoup de gens appelleraient sans doute du cynisme. Peu de temps après mon installation à Ormois, elle est entrée dans mon cabinet, tranquillement, en habituée. Elle-même, la jupe roulée au-dessus du ventre, elle s'étendait sur les 3 divans recouverts de cuir qui servaient pour mes consultations et elle levait les genoux, écartait ses cuisses larges, d'un blanc laiteux, avec une visible satisfaction. On sentait qu'elle aurait volontiers gardé cette pose-là toute la journée. Laurette ne ratait aucune occasion de coucher avec un homme. Elle m'a avoué que certains jours qu'elle prévoyait une de ces occasions, elle ne mettait pas de culotte afin de gagner du temps. J'aurais pu avoir des rapports avec elle dès sa première visite. Au lieu de cela, je suis resté des mois à en avoir envie. J'y pensais le soir dans mon lit. Il m'arrivait d'étreindre ma femme, les yeux fermés, en évoquant les cuisses larges et blanches de Laurette. Pourquoi j'ai résisté si longtemps? Je n'en sais rien. Je la voyais tous les mois, parfois davantage. Jeanne morte, Laurette a continué à venir me voir. Ensuite, elle est venue plus rarement, car elle était fiancée avec un garçon par ailleurs très bien. Cela n'empêchait rien. Est-ce que ma mère était au courant de ce qu'il se passait? A-t-elle su que je couchais avec Laurette avant la mort de Jeanne? Après, elle n'a pas pu ignorer. C'est maintenant, au bout d'un long temps, que je me rends compte. J'entends encore sa voix me disant, soucieuse. Il paraît qu'une fois mariée, Laurette ira vivre à La Rochelle avec son mari qui compte y reprendre un commerce. Hein? Il y a tant de choses que je comprends, et dont certaines m'effarent. M'effarent d'autant plus que j'ai vécu des années et des années sans les soupçonner. Ai-je vraiment vécu? Je finis par me le demander, par penser que j'ai passé mon temps à rêver tout éveillé. Tout était facile, tout s'arrangeait, à part mon appétit pour les femmes. Comme médecin du bourg, je me croyais tenu à plus de circonspection que quiconque. J'étais hanté par l'idée d'un scandale qui me ferait montrer du doigt et qui créerait autour de moi, dans le village, comme une barrière invisible. Plus mes désirs étaient aigus, douloureux, plus cette peur avait de force, au point certaines nuits de se traduire par des cauchemars enfantins. Ce qui m'effare, mon juge, c'est qu'une femme, ma mère, ait deviné tout ça. Quelque temps après la mort de Jeanne, il s'est produit un incident. La receveuse des postes m'avait amené sa fille, une jeune fille de 18 ans dont la santé laissait à désirer. Elle était dactylo chez un agent d'assurance. Je la revois nettement, plus maquillée que les filles de chez nous, les ongles laqués, les talons hauts, silhouette décidée. Il n'y a pas eu préméditation à proprement parler. C'est l'habitude, surtout avec les jeunes filles qui ont souvent quelque chose à cacher à leur famille, de les examiner et surtout de les questionner sans témoin. Si vous voulez bien, madame, attendez un instant. J'ai eu l'impression, tout de suite, que la gamine se moquait de moi et je me demande maintenant si j'avais vraiment l'air d'un homme hanté par le désir. C'est possible. Je n'y peux rien. Je parie que vous allez me demander de me déshabiller. Oh, vous savez, ça m'est égal. D'ailleurs, tous les docteurs sont comme ça, n'est-ce pas? J'enlève ma combinaison. C'était pas nécessaire. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que je dois faire? Étendez-vous et ne bougez plus. vous allez me chatouiller. Je vous avertis, je suis très chatouilleuse. Une petite garce, mon juge. Je la détestais, je la voyais guetter l'expression de mon trouble. Vous n'allez quand même pas me dire que cela ne vous fait rien. Bien sûr que si c'était ma mère ou une autre femme, vous n'éprouveriez pas le même besoin d'examiner ces endroits-là. Je me suis conduit comme un idiot. Si vous voyez vos yeux. Elle n'était pas novice. J'en avais la preuve. Elle s'était avisée d'un signe évident de mon trouble et cela l'amusait. Elle riait, la bouche ouverte, ses dents brillantes, une petite langue rose et pointue tout près de mon visage. Laisse-moi faire. Vous devenez fou. Si vous ne me lâchez pas tout de suite, je crie. Pourquoi ai-je insisté alors que je n'avais pas beaucoup de chance? Monsieur a appelé? Non, Justine. Merci. Vous avez eu peur, hein? Bien fait pour vous. Je me rhabille. Qu'est-ce que vous allez raconter à maman? C'est la mienne, de mère, qui a été mise au courant par Justine. J'en jurerais. Elle ne m'en a jamais parlé. Elle n'en a rien laissé paraître. Seulement, le soir même, ou le lendemain, elle m'a dit, avec son air de ne pas y toucher, de parler toute seule. Je me demande si tu n'as pas gagné assez d'argent pour t'installer en ville. Puis, tout de suite, ce qui est bien dans sa manière. Marc, qu'il faudra de toute façon nous y installer tôt ou tard. À cause de tes filles qui ne peuvent pas aller à l'école du village et que tu devrais envoyer au couvent. Non seulement je n'ai pas protesté, mais je n'ai jamais eu conscience de subir une contrainte. J'étais un poussin, mon juge, mais je n'en avais pas conscience. J'étais un gros poussin d'1m80 de haut et de 90 kilos, un monstrueux poussin suant la santé et la force par tous les pores et obéissant à sa mère comme un petit enfant. Je ne lui en veux pas. Elle a usé sa vie à essayer de me protéger. Pendant des années et des années, j'ai accompli tout ce qu'on a voulu que j'accomplisse, sans rechigner, en réduisant la tricherie au minimum. J'ai été un assez bon étudiant, malgré ma grosse face brachycéphale. J'ai été un médecin du village consciencieux, en dépit de l'incident de la petite garce. Tenez, je crois même que je suis un bon médecin tout court. Devant mes confrères plus savants ou plus solennels, je me tais ou je plaisante. Je ne lis pas les revues médicales. Je n'assiste pas au congrès. Devant une maladie, je suis parfois embarrassé et il m'arrive de passer dans la pièce voisine sous un prétexte quelconque pour consulter mon savie. Mais j'ai le sens de la maladie. Je la dépiste comme un chien dépiste le gibier. Je la renifle. Du premier jour où je vous ai vu dans votre cabinet du palais de justice, je... Vous allez vous moquer de moi. Tant pis, mon juge. Je ne vous en dis pas moins. Prenez garde à votre vésicule biliaire. Et pardonnez-moi cet accès de vanité professionnelle. De vanité tout court. Ne faut-il pas qu'il me reste un petit quelque chose, comme je disais quand j'étais enfant? D'autant plus que nous en arrivons à Armande, ma seconde femme, que vous avez vue à la barre des témoins. Elle a fait, vous vous en êtes rendu compte, une grosse impression sur la cour, sur les jurés et même sur les journalistes. J'ai vu des gens, alors qu'elle était à la barre, m'examiner curieusement. Et il n'était pas difficile de deviner qu'ils pensaient « Comment ce rustre-là a-t-il pu avoir une femme pareille ?» C'était « Lettre à mon juge » de Georges Simenon, épisode 1. Adaptation Pierre Assouline, avec les comédiens de la Comédie Française, Claude Mathieu, Christian Blanc, Alexandre Pavlov, Rebecca Marder, et les voix de Pénélope Avril, Jean Riffel, Norbert Ferrer, Laurent Claret. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Laurence Courtois. Lettre à mon juge est publiée aux presses de la Cité. À suivre demain.